Le coup de cœur d'Élodie sur la première. Salut à toutes. Chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, le CCEE, Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, nous invite à ralentir, à écouter, à ressentir. Un événement se prépare ce samedi à Montgaillard, une nouvelle édition de leur manifestation créée en 2022, la quatrième plus précisément, avec un thème chaque année. Pour 2025, c'est la thématique du jardin qui a été choisie. Vous en saurez plus en étant au rendez-vous chaque jour dans le bon tempo. C'est Mickaël Maillot, directeur du CCE Réunion, qui nous présente les missions et les projets de ce conseil dont le secret réside dans le travail d'équipe, une équipe dynamique inspirée par l'identité réunionnaise. Le Réunionnais doit être au centre des problématiques. Comment parler des Réunionnais, des Réunionnaises sans tenir compte de leur identité? Dans leur identité, il y a l'histoire, leur histoire, il y a bien évidemment leur langue, leur posture sociétale d'une manière générale, leur vie quant à le positionnement de la Réunion dans l'océan Indien et à l'international. Voilà, ça me semble important. Bon, nous, on s'apesantit plus particulièrement sur les questions d'histoire et sur les questions de langue et de culture au sens anthropologique du terme. Si vous devez décrire la Réunion en un mot ou une image, vous choisirez quoi ? Je choisirais le tapis mendiant. Comment dire ? C'est l'assemblage de différents bouts de tissu venant de toutes parts, de différentes couleurs, ayant différentes origines. Et on en fait un tapis qu'on met soit sur une table ou soit sur un lit qui représente la diversité et cet agencement presque harmonieuse de gré ou de force, voilà ce qu'il en ressort. Le choix du tapis mendiant n'est pas un hasard puisque c'est ce que nous peut voir sur l'affiche de l'événement du 31 mai au domaine Moka. Nous peut lire aussi que c'est un zoané pour enlérise notre Gaïa, tapis mendiant pays. Enlériser, il veut dire mettre en l'air. Ça, c'est un affaire que le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement y maîtrise parce que Néna a Gaïa, l'entourage aussi. Monsieur le directeur Mickaël Maillot qui, ça, nous retrouve parmi Zotte. Le président, c'est Roger Ramchetti. Le président de la commission Vivre Ensemble, c'est Dominique Carrère. Le président de la commission Égalité des chances, c'est M. Gilles Lajoie de l'université. La présidente de la commission Cohésion sociale, c'est Mme Lacouture de la Ligue de l'enseignement. La présidente, il y a une évolution là de ces derniers temps, mais c'était Mme Elsa Damani du monde du cinéma. Et le président de la commission audiovisuelle et numérique et le président de la commission développement territorial durable et environnement, M. Axel Warraud, anciennement directeur de la Maison de la Montagne. Nous continuons Code sur la quatrième édition, la Journée mondiale, la diversité culturelle pour le dialogue et le développement toute la semaine. D'ailleurs, n'oublie pas, inscrit à Zotte sur le www.ccee.re. Les gratuits, c'est à partir 8h30, samedi 31 mai. En plus, on aura Radio Pays sur place avec un certain Claude Montané de Réunion la Première. Allez, dis partout.